Avec moi en studio, j'ai Rick Mialou du Centre de recherche d'emploi de Penetang. Salut Rick! Salut JP, comment ça va? Super bien. On est jeune, on sort de l'école, on choisit de faire un cours pour avoir un travail dans un domaine qu'on aime. Mais 10 ans plus tard, on se dit « Ah, je suis pas certain de faire ça toute ma vie. » Je serais peut-être prêt à faire autre chose. C'est là que le programme Deuxième carrière peut être une bonne solution. Exactement. Donc, qu'est-ce que tu fais, au fait, justement, quand tu te retrouves avec quelque chose qui ne convient plus, sans compter les jeunes, justement, mais probablement qu'il y a des gens aujourd'hui qui se retrouvent dans ce genre d'atmosphère, lorsqu'ils se retrouvent devant un mur, devant eux. Qu'est-ce que je fais? Parce que là, par exemple, il n'y a plus d'autres options pour moi. Je ne peux plus avancer dans le travail que je suis présentement. Donc, est-ce que j'abandonne mon travail? On a tous besoin d'avoir de l'argent pour payer les comptes. Hein? Exactement, c'est ça. Normalement, on aimerait continuer à subvenir à ses besoins personnels, justement. Donc, la maison doit être payée, la voiture doit être payée, le gaz et tout ce qui va avec, le téléphone, avec tout ce qui coûte cher aujourd'hui. Donc, on doit, dans le fond, continuer à avoir de l'argent pour continuer à subvenir à ses besoins. Parce qu'il y en a que, bon, ils vont sortir de l'école, ils vont aller tout de suite sur le marché du travail, ils vont tester certains emplois, puis un jour, ils vont trouver quelque chose qu'ils aiment. Mais quand tu as investi beaucoup d'argent, tu es allé à l'université, c'est 4 à 5 années, puis au bout de 5-6 ans, tu te dis, oh, non, c'est pas ça pantoute. C'est un peu décevant aussi. C'est très décevant. Oui, et là, on dit, on a investi beaucoup d'argent, on a peut-être pas les moyens non plus avec la famille et tout de retourner. Exact. Et c'est là que ça vient nous aider. Exactement, parce que quand on parle des jeunes qui vont à l'université aujourd'hui, beaucoup de personnes passent par les prêts et bourses, par exemple. On parle de prêts et bourses, ça veut dire qu'il y a une grosse partie après qu'il faut rembourser. Ça, c'est des fois une option assez facile pour certaines personnes de dire, oh, tu sais quoi, je vais aller prendre des prêts et bourses et puis ça me permet de payer mes études. Mais ce qu'on oublie de se rappeler, c'est qu'à la fin de ces études, on va devoir rembourser un très gros montant. Donc, avec les intérêts et tout ce qui va avec. Donc, c'est à cause de ça qu'on veut vous parler du programme de deuxième carrière. Donc, c'est quoi le programme de deuxième carrière? Ça, c'est une bonne question à se poser. Le programme de deuxième carrière, ça permet aux personnes admissibles de recevoir une formation professionnelle et un soutien financier. C'est seulement pour professionnels. Tu ne peux pas aller à l'université avec ça? Oui, c'est possible d'aller à l'université, effectivement, pour étudier. Parce que le but, c'est effectivement de être capable de retourner sur le marché du travail avec un diplôme qui te permet d'avoir un meilleur emploi, une meilleure position dans telle ou autre compagnie. Est ouvert. Oui, exactement. Donc, le programme, c'est ça. Ce programme, au fait, j'ai parlé un peu des prêts et bourses tantôt. Ce programme, c'est un avantage comparé au programme de prêts et bourses. Donc, au fait, si vous êtes admissible, vous pouvez suivre une formation dans les domaines qui sont à forte demande. Donc, évidemment, il faut justifier pourquoi est-ce que vous voulez aller dans ce domaine. Ça doit être un domaine à forte demande. Des fonds disponibles dans ce genre de... dans le programme deuxième carrière, ça peut aller jusqu'à 28 000 $. Et ça commence à faire beaucoup d'argent, ça. Ça fait beaucoup d'argent, effectivement. Et je regardais ça aussi, c'est un maximum de 410 $ par semaine. Exact. On peut même payer des frais de garde pour les enfants. Tout à fait. C'est ça. Donc, droit de scolarité, manuel, des frais de formation comme les cahiers d'exercice, le transport. Donc, comme tu disais, les frais de subsistance de base. Donc, ça peut aller jusqu'à 410 $ par semaine. C'est très proche du salaire minimum, là. C'est vraiment pas pire du tout. Et évidemment, les frais de garde d'enfants, là. Oui. Moi, je me posais la question. Mm-hmm. Pour être admissible, quels critères faut-il avoir? Donc, il y a plusieurs critères, évidemment. On peut rentrer dans les détails, on encouragerait les gens qui s'identifient pour le programme deuxième carrière de venir nous voir, les centres d'emploi évidemment, mais il y a plusieurs critères, entre autres être mis à pied, ça c'est un critère, parce que là, on vient d'être mis à pied, qu'est-ce qu'on fait? Ok, demain matin, mon employeur me donne mon 2 semaines, tu t'envoies à la maison, on te rappellera quand ça donnera. Exactement. On peut venir vous voir, puis... s'inscrire au programme de deuxième carrière. Exactement. Donc, ça, c'est il faut noter que dans le comté ou bah en fait disons dans notre région Hanau-Peneteng Midland, dans les deux dernières années il y a eu plusieurs mises à pied, il y a eu des compagnies qui ont dû fermer, donc ces employés ont dû se diriger vers les centres d'emploi ou je ne sais pas comment ils ont fait pour se débrouiller, mais en tout cas je dirais que ceux qui se sont dirigés vers les centres d'emploi, ils ont été assez intelligents quand même, parce qu'à partir des centres d'emploi ils ont pu obtenir de l'aide pour pouvoir explorer les autres options qu'ils ont, entre autres le programme de deuxième carrière. Il faut le dire aussi, le domaine manufacturier, c'est mm-hmm. qu'un domaine d'avenir. Alors, on est rendu à l'ère de l'information, comme on avait parlé l'autre fois. Oui, aller sortir d'un DEP ou d'un cours pour travailler dans une usine, c'est pas le choix le plus éclairé qu'on peut faire. Exactement, c'est ça. C'est à cause de ça qu'à partir, nous sommes ici, nous sommes là pour aider comme centre d'emploi, donc pour être capable de donner plusieurs options aux chercheurs d'emploi. Donc, les domaines d'emploi, lorsqu'il y a le plus de demandes. Notez que le taux de chômage en Ontario a augmenté de 5,7% à 5,9%. Est-ce que ça fait une grosse différence de 0,2%? Oui, si on parle de chiffres et on parle de l'Ontario, là on parle de pourcentage, mais si on parle de chiffres, oui, parce que beaucoup d'emplois ont été créés et ça touche principalement les chercheurs d'emploi entre 25 et 54 ans qui sont actifs sur le marché du travail. Le problème avec ce taux de chômage, c'est parce que beaucoup d'emplois qui ont été créés sont des emplois à temps partiel. On parle aux alentours de centaines de mille d'emplois à temps partiel dans la province de l'Ontario. Il y a beaucoup d'avantages pour les employeurs de créer des emplois à temps partiel parce qu'ils n'ont pas besoin de donner d'avantages sociaux. Exact. Entre autres, on en a beaucoup parlé dans des chroniques précédentes. Oui, c'est ça. Donc, certains employeurs préféreraient ouvrir plusieurs postes à temps partiel pour éviter de payer trop de coûts, entre autres, justement, sur les avantages sociaux, oui. C'est une tangente dont on va s'en aller au cours des prochaines années, des prochaines décennies, ça? J'espère que non. Avec le salaire minimum qui va augmenter à 15$ d'ici janvier, déjà que le bond qu'il y a eu cette année, donc le salaire minimum soit passé à 14$, beaucoup d'employeurs ont manifesté à quel point ils n'étaient pas du tout contents par rapport à cela, parce qu'il fallait se dépasser. Et s'ils n'ont pas les fonds idéaux pour couvrir, au fait, ces dépenses-là, automatiquement, ils se retrouvent dans des situations décevantes. Un peu plus précaires. Oui, exactement. On augmente nos coûts aussi, il faut vendre plus cher. Il faut vendre des plus fois, cher. À ce moment-là, ça reste dans la cour, il n'y a pas de vente qui se passe à ce moment-là. C'est ça, et là, ça devient dommage. Donc, après, on devient out of business d'une certaine manière. Exactement. Mm-hmm. C'est là qu'il faut apprendre à se réinventer côté patronal. Parce exactement. Que de plus en plus, ça devient plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Donc, c'est ça. Mais les chercheurs d'emploi, ils veulent des emplois à temps plein. Donc, même si vous affichez une centaine de mille emplois à temps partiel, la réalité, c'est que les chercheurs d'emploi veulent des emplois à temps plein. Donc, c'est à cause de ça que nous faisons ce message, justement. C'est parce que les chercheurs d'emploi doivent évidemment se démarquer sur le marché du travail. Donc, des fois, avoir un diplôme ou une formation adéquate qui automatiquement ça vous donne vous êtes compétent, donc à partir du moment que vous êtes compétent pour l'employeur, c'est facile pour vous engager. Tantôt tu parlais de secteurs qui sont en demande pour le travail. Moi, j'arrive demain matin, je vais te voir. Moi, ça me tente d'être pompier. OK, tu me dis, OK, JP, c'est correct. Faut-tu que j'aille voir dans une caserne de pompiers, aller chercher l'information pour prouver que être pompier, c'est vraiment en demande? Ça pourrait être une option, mais l'option la plus facile, c'est de faire sa recherche. Mais encore, nous sommes là comme centre d'emploi, nous sommes là pour aider, pour vous assister dans tout le processus. Donc, on vous en parle ici à la radio, mais venez nous voir. Évidemment, pour pouvoir vous aiguiller de manière un peu plus efficace. Les secteurs qui sont le plus vraiment en demande présentement, c'est des secteurs comme la construction. C'est pas pour dire que les autres ne sont pas en forte demande, mais la construction est en forte demande. Le domaine des finances, l'assurance, l'immobilier, l'agriculture qui touche. Pensais pas que c'était en demande tant que ça, l'agriculture. Oui, c'est quand même en demande parce qu'il y a moins de personnes qui veulent y aller. Donc, évidemment, il y a un besoin. Il y a besoin de main-d'œuvre. Mais encore, notez que ça, c'est l'Ontario au complet. Moi, j'ajouterais santé, le domaine de la santé. Donc, les infirmiers ou bien les pièces de bio, les préposés aux bénéficiaires. Donc, il y a une pénurie. Là, admettons, je lisais un article dernièrement, c'est que dans le nord, je pense que c'était Sudbury, lorsqu'ils avaient une pénurie, là, tout simplement, énormément de personnel d'infirmiers. Mais c'est pas seulement en Ontario, il y en a un peu partout au Canada qui a un manque de personnel infirmier. Et disons que c'est important quand on est malade, on a besoin d'avoir un infirmier, une infirmière. Exact. Nos parents qui sont dans des résidences, on a besoin aussi de gens qui sont capables de prendre soin d'eux. C'est ça, que ce soit du soin dans des établissements de santé ou bien que ce soit du soin à la maison. Ça, ce sont du monde qui s'en manque. Nous voyons plusieurs entreprises qui viennent nous voir la semaine prochaine, nous allons recevoir un employeur qui va venir nous rencontrer aussi pour nous parler un peu de leurs besoins pour recruter des personnes dans le domaine de la santé. Là. À ce moment-là, est-ce qu'ils peuvent les former directement sur place au lieu de passer par un cours? Oui, ben, il faut qu'ils passent par le cours, évidemment. C'est obligatoire. Oui, pour aller avoir le diplôme. Bien sûr, les coops, des fois, les employeurs peuvent ajuster pour avoir la coop, l'expérience de travail sur place. Là. Mais évidemment, ils doivent aller aux études. Donc, ça, c'est des options à voir au fur et à mesure. C'est du cas par cas. Évidemment. Donc, vraiment, le programme Deuxième Carrière, pour qui est concerné par rapport à ça? Ça, c'est une question aussi qu'on doit se poser. Tu avais posé la question tantôt. C'était vraiment les personnes qui sont mises à pied. Donc, automatiquement, que vous soyez mise à pied déjà ou que vous êtes en train d'avoir un travail à temps partiel aussi, vous pouvez être un candidat admissible. Vous avez étudié dans un domaine, mais finalement, c'est pas le domaine là où ils engagent le plus. Vous pouvez être aussi admissible pour le programme de deuxième carrière. Vous n'avez jamais fini vos études aussi dans le passé, donc vous n'avez que de l'expérience du travail, mais là, la compagnie ferme. Donc, vous avez besoin de support. Pareil aussi, ça, c'est quelque chose qui pourrait être pertinent pour vous. Si jamais vous avez besoin d'avoir plus d'informations, Rick Mialou et sa gang au Centre de recherche d'emploi de Penetang peuvent vous aider. Exact. Vous allez à laclé.ca. Exactement. 549-5227. Oui. Ou allez directement voir Rick. Il est beau puis il est fin en plus, aux deux rue Pointe. Exact. Et j'ai une très bonne équipe qui est très qualifiée pour vous aider. Une petite annonce rapide pour les offres d'emploi d'éducatrice à la petite enfance. Donc, nous aimerions encourager justement toute personne qui a de l'expérience ou pas, mais qui veut travailler comme éducateur, éducatrice à la petite enfance. La clé engage présentement. Nous avons des postes ouverts. Donc, venez nous voir au centre d'emploi justement ou bien appelez nous au 705-549-5227 pour en savoir un peu plus, avec ou sans expérience. Je répète, avec ou sans expérience. Le message est lancé, Rick. J'espère que les gens ont entendu et seront au rendez-vous. Je te remercie. Merci à toi.